Le pompon de Sidonie est une drôle de petite chose, c'est comme un petit ami, rond tout de poilu et rose. Le pompon de Sidonie est une drôle de petite chose, c'est comme un petit ami, rond tout de poilu et rose. Le pompon de Sidonie est une drôle de petite chose, c'est comme un petit ami, rond tout de poilu et rose. Le pompon de Sidonie, elle le tient dans sa menotte, et quand il est trop coquin, elle le cache dans sa botte. Le pompon de Sidonie est une mignonne petite bête, et quand elle est un peu triste, elle est sur ses larmes avec. Mon pompon, mon pompon, il est mignon, il est malin. Mon pompon, mon pompon, il saute avec petit lapin. Il saute, il saute, il saute, il saute, il saute. Le pompon de Sidonie lui caresse son petit nez, il lui fait guili guili et elle agite ses petits pieds. Le pompon de Sidonie, c'est clair que c'est son copain pour la vie, pareil que petit lapin. Mon pompon, il est mignon, il est malin. Mon pompon, il saute avec petit lapin. Il saute, il saute, il saute, il saute, il saute. Le pompon de Sidonie, quand elle est bien fatiguée, qu'elle s'est enfin endormie, doucement descend l'escalier, pousse avec petit lapin la voiture radio guidée, la démarre un peu plus loin et dans la nuit disparaît. 1, 2, 3, 4. Pompon et petit lapin sont vraiment très énervés, ils sautent le tout sur les tables, poussent des cris et tapent du pied. Pompon et petit lapin sont encore tous défoncés, ils boivent leur motoyant, ils ont les poils tout collés. Mon pompon, il est encore complètement plein. Mon pompon, ils zonent avec petit lapin. Ils zonent, ils zonent, ils zonent, ils zonent, ils zonent. Le pompon de Sidonie a encore trompé le malin. Il prend l'air de la boîte de nuit accroché à petit lapin. Le pompon de Sidonie sait pas trop comment rentrer. Il va boire un dernier verre, un dernier pour oublier. Mon pompon, il est encore complètement plein. Mon pompon, il zone avec petit lapin.